connecter entre les cultures du monde. Toute la programmation sur mondocarnaval.com. CKRL 89.1. Chers auditeurs et auditrices, vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale, votre magazine radio entièrement consacré aux arts visuels à Québec et en ligne, sur les ondes de CKRL 89.1. Myriam Leland toujours au micro, accompagnée de Gentilhan de la France. Bonsoir Gentilhan. Bonsoir Myriam. Donc on retourne en différé ce soir, de retour devant nos écrans. On a quitté le studio parce qu'on reconfine en zone rouge foncé. Et puis, oui, exactement. Notre chroniqueuse cette semaine, c'est Delphine Aguesbar. Et puis, elle nous a préparé une très, très belle entrevue en deux parties avec Jade Boivin, qui est la rédactrice en chef de la revue Vie des arts. Donc, la revue Vie des arts vit une métamorphose là, depuis l'arrivée en poste de Jade Boivin. Et puis là, ils lancent leur nouveau concept, leur nouvelle image. Et puis, Delphine Aguesbar a eu l'occasion d'en discuter longuement avec Jade Boivin. Donc, on a bien hâte d'entendre ça. Et puis ensuite, c'est moi qui s'est entretenue avec Isabelle Desroches et William Légaré, qui sont tous deux finissants du baccalauréat en arts visuels et médiatiques de l'Université Laval, donc de l'année dernière. Et ils se sont mérités le prix La Chambre Blanche. Donc, le prix La Chambre Blanche s'écrit avec des A commerciales. À commerciaux au lieu des A, donc l'année dernière. Et puis, ce prix-là consiste en une résidence de 6 semaines quand même dans les laboratoires de la Chambre blanche, donc du 2 mars au 10 avril. Ils ont travaillé très fort sur leur projet et puis j'en ai discuté avec eux. On va entendre ça en deuxième partie d'émission. Et ce soir, Myriam Leland, c'est toi qui as fait la sélection musicale. Oui, je me suis amusée en fouillant sur Bandcamp avec le tag Québec City. Donc, je voulais trouver un artiste local et j'ai découvert Stay in School qui fait du son ambiant. C'est très lo-fi, expérimental, qui est catégorisé de smoke room. Je vous laisse imaginer qu'est-ce que ça peut impliquer comme ambiance. Moi, ça me donne des petites idées personnellement. Oui, c'est ça. Donc, on écoute ce soir des extraits de son EP Decomposition, qui est paru le 1er avril dernier. Donc, c'est tout frais, tout chaud, fumant. On peut dire ça comme ça. Donc, on se laisse tout de suite avec la première piste qui est Apparition. Et au retour de la pause, on entend la première partie de l'entrevue entre Delphine Aguesbar et Jade Boivin. Thank you. je m'entretiens ce soir avec Jade Boivin, rédactrice en chef de Vie des Arts. Bonsoir Jade. Bonsoir Delphine. Très prochainement, le 14 avril, pour être plus précise, vous lancerez à Vie des Arts le numéro 262, l'art en interaction avec le territoire, qui va aussi lancer du même coup la refonte graphique de la revue Vie des Arts, en fait. Donc, une nouvelle approche graphique, un nouveau logo et aussi de nouvelles rubriques, notamment. Donc, on va avoir l'occasion d'en parler aujourd'hui. Mais d'abord, Jade, est-ce que tu voudrais, pour ceux et celles peut-être qui nous écoutent, qui sont moins familiers avec la revue Vie des Arts, peut-être nous la décrire, nous la présenter brièvement? Oui, en fait, c'est exactement ça. On est rendu à notre histoire au 262e numéro. Il faut comprendre que Vie des Arts est une revue qui s'adresse à l'actualité des arts visuels au Québec et au Canada. C'est une revue qui a comme mission d'informer et d'éduquer le plus large public possible, je dirais, sur les enjeux de l'art contemporain et art actuel. Donc, c'est une belle porte d'entrée, finalement, pour les gens qui voudraient s'intéresser à qui sont les artistes en ce moment, quels sont les enjeux de l'art contemporain, autant sous certains aspects thématiques. Là, je le dis, c'est l'art et l'interaction avec le territoire. Autant, finalement, les suivis d'exposition de qui a exposé où au Québec en ce moment. Donc, Vie des Arts, elle a été fondée en 1956. C'est la plus vieille revue au Canada à être encore en activité aujourd'hui. Donc, on a vraiment un beau patrimoine puis une belle histoire, une archive aussi assez phénoménale là, de critiques d'art au Canada. Voilà. Qui, par ailleurs, est accessible en très grande partie sur votre site web, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. On a profité de la pandémie pour lancer un nouveau site Internet. Vous irez voir ça, c'est le www.videsarts.com. Et on a mis en ligne une bonne majorité des archives. C'est un travail à long terme parce qu'on a beaucoup de numéros. À chaque numéro, il y a une vingtaine d'articles qui se retrouvent accessibles en ligne sur le feuilleteur. On peut feuilleter la revue en PDF en ligne. Et lire les articles directement sur le site Internet. Donc, pour ceux qui s'intéressent aussi à un peu l'histoire de la critique d'art et l'histoire de l'art au Canada, ça peut être aussi une belle plateforme à découvrir. Et après, toutes ces années d'histoire, de travail, ben la revue était mûre, ou peut-être l'équipe aussi était mûre pour retravailler un peu l'image de la revue, mais aussi son contenu. Je pense que ce qui va peut-être frapper les gens au premier coup d'œil, là, quand ils vont découvrir la nouvelle forme de la revue ou sa nouvelle approche, en fait, c'est qu'en couverture, on retrouve un portrait photo de Giorgia Volpe qui fait la couverture de la revue. Et en fait, ça donne un peu le signal que les prochains numéros aussi vont porter en couverture des portraits d'artistes. Qu'est-ce qui vous a en fait animé à faire ce pas-là vers la présentation d'artistes en couverture de la revue? Oui, en fait, c'est une approche par le passé qu'on avait déjà fait, mais sans en faire un quelque chose de récurrent ou quelque chose de systématique. Je dirais que ça devait faire une dizaine d'années qu'on n'avait pas revu la grille graphique et le logo de Vie des Arts. Donc, on a voulu vraiment marquer le coup d'une nouvelle réinterprétation de notre équipe. En fait, notre équipe a le changé il y a 2 ans. La bonne majorité de l'équipe est arrivée. Moi, je suis arrivée au poste de rédaction en chef. Donc, c'est sûr qu'on a une approche aussi qui est différente de l'art contemporain. Toujours en réitérant cette même mission-là d'information, éducation au plus large public, on a voulu, avec les couvertures puis les photos, puis de mettre en valeur des artistes, on a voulu rendre humain un peu ça. Donc, de présenter des visages, de présenter des gens, d'aller voir des artistes, puis de leur proposer d'aller dans leur lieu de travail, d'aller dans leurs ateliers, d'aller dans un lieu qui est significatif pour eux ou pour elles, pour finalement peut-être avoir un accès un peu plus humain à cette personne-là, donc la personne qui est l'artiste, entourée de ses œuvres ou entourée de ses matériaux. Là, dans le cas de Giorgia Volpe, on a vraiment voulu travailler en extérieur parce que Giorgia, c'est une artiste très multidisciplinaire. Elle réside à Québec en ce moment. Puis elle travaille la performance, en fait. Donc, vu que c'est une artiste de performance, le lieu, l'extérieur, le contexte et ses matériaux, ce sont ce qu'elle veut travailler. Donc, on a vraiment voulu, avec elle, jouer avec ça. On est allé en extérieur, On a travaillé avec des textiles, des couvertures qu'elle avait fait dans des œuvres qui étaient précédentes ou des matériaux qu'elle travaille. Elle travaille beaucoup le textile aussi. Elle a une approche qui est très, très relationnelle. Donc, c'était vraiment pour nous une belle rencontre. Puis on a choisi de la mettre en couverture finalement pour ouvrir cette nouvelle série-là des couvertures qu'on va faire finalement à chaque numéro papier. Dans le fond, à chaque numéro, vous allez retrouver deux portraits d'artistes. Ce numéro-ci, on a Giorgia Volpe. Donc là, on a un article complet sur son travail, qui est vraiment plus, comme je disais, hors performance, hors relationnel. Et on a aussi Michael Belmore, qui est un artiste qui travaille beaucoup la pierre et le cuivre et l'histoire sur le long terme aussi de ces matériaux-là, dans une approche un peu décoloniale. Donc, on a ces deux artistes-là, puis on fait la faveur, le privilège d'un des deux qui a la couverture. Ça sera ça, finalement, à chaque numéro de la revue. C'est assez intéressant de voir, en fait, aussi que désormais, ou du moins dans ce numéro-là, les portraits d'artistes viennent s'arrimer ou croiser aussi la large thématique là, qui est abordée dans la revue. Ici, on a, on disait l'art en interaction avec le territoire, puis on a donc une artiste qui tisse des relations avec Giorgia Volpe et avec Michael Belmore, qui s'ancrent aussi dans les lieux par leurs pratiques, avec lesquels il y a un ancrage culturel aussi, mais il y a un ancrage physique dans les lieux auxquels ils s'intéressent. C'est deux manifestations complètement différentes dans les pratiques, mais c'est assez intéressant de voir que il va avoir à la fois le dossier thématique, mais les portraits aussi viennent compléter ou donner une nouvelle porte d'entrée, là, finalement, un nouveau regard ou une nouvelle approche, une approche complémentaire plutôt autour du sujet qui est abordé dans le numéro. Oui, écoute, je suis contente que tu le mentionnes parce que c'est vrai qu'on a voulu, vraiment rentrer dans la pratique des artistes, dans ce cas-ci, Giorgia Volpe et Michael Belmore. De manière un peu plus directe pour nous donner un complément d'information finalement au dossier thématique, parce que là notre dossier thématique, dans le fond la revue publie différentes rubriques. Une de ces rubriques-là, c'est le dossier thématique. Donc nous, on fait circuler des appels qui sont ouverts à toutes les personnes qui écrivent sur l'art contemporain de venir un peu présenter leurs réflexions sur des sujets donnés. Donc à chaque numéro, on a une thématique qui est différente, puis les thématiques sont choisies un peu pour refléter les grandes discussions en ce moment là, en art contemporain. Donc, au bout d'un an, on aura trois dossiers thématiques sur des thèmes qui, finalement, reflètent un peu qu'est-ce que les gens travaillent en art contemporain, c'est quoi la recherche en art actuel, c'est quoi la recherche en art contemporain, c'est quoi les enjeux qui définissent finalement l'art contemporain. Il y en a plusieurs. L'art contemporain, tu le sais, c'est très, très multiple comme type d'art, c'est très vaste, mais on voulait vraiment que les dossiers nous permettent d'approfondir finalement une thématique. Donc, ce numéro-ci, on a vraiment décidé d'aller dans vraiment l'art en interaction avec le territoire. Puis pour nous, l'interaction était vraiment importante parce que il y a une longue tradition en histoire de l'art et en art sur la représentation de paysages et ce rapport-là, peut-être un peu plus de représentation ou de peinture de paysages. Puis là, on a voulu voir finalement en art contemporain, bien comment est-ce que les artistes jouent avec ce paysage-là et peut-être pas dans une logique de représentation nécessairement. Donc là, on a pu regrouper des auteurs qui se questionnaient un peu sur ces enjeux-là de comment est-ce que les artistes vont créer du lien avec la nature, vont créer du lien qui est spécifique au lieu, vont venir jouer avec la spécificité des lieux. Par exemple, on avait une auteure, Noémie Fortin, une autrice, Noémie Fortin, qui, elle, s'intéressait à un festival d'art qui se passait au Yukon. Et de voir finalement comment est-ce que les artistes, au fil des ans, ont pris un peu... pas possession, on ne peut pas prendre possession, mais on sont intéressés aux spécificités du Yukon, qui sont comme des grands paysages, mais aussi des champs aurifères, donc des champs qui ont été travaillés à travers la ruée vers l'or, donc toute l'industrie minière. Puis comment finalement, les artistes qui vont créer au Yukon, mais ça va être complètement différent des artistes qui vont s'intéresser au bas du fleuve, par exemple, comme on voit avec le travail de Giorgia, qui s'intéressait à la pêche aux anguilles, par exemple. T'sais. Donc on veut vraiment... Avec ce dossier-là, on voulait vraiment aller vers au-delà de la représentation pour peut-être trouver un nouveau sens avec la nature puis renouveler une proximité finalement avec la nature. Donc, le dossier thématique, c'est ça. C'est un dossier. Il y a plein d'enjeux qui sont discutés. On a quatre articles, puis les deux portraits viennent finalement nous présenter des articles pour qui ces enjeux-là sont emblématiques. Puis on, là, on plonge vraiment dans le cœur du travail. C'est sûr que nous, on a une mission qui est, je répète, information, éducation. Donc, on essaie d'entrer aussi dans les œuvres pour vraiment aller en détail, finalement, de comme la pratique et la spécificité de la pratique de ces artistes-là. Donc, on pensait que les portraits seraient une belle porte d'entrée, finalement, à ces enjeux-là. Bien, c'est très intéressant de voir comment les portraits vont bien en fait compléter un peu l'approche du dossier thématique puis vont pouvoir permettre de creuser un peu plus cette question-là sous différents angles. On va faire une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour poursuivre notre discussion autour de la refonte de la revue Vie des arts qui va paraître prochainement. À l'aérospatiale. Ici Delphine Eguesbar, je suis en compagnie de Jade Boivin, rédactrice en chef de la revue Vie des arts. On parlait justement à l'instant de la refonte graphique de la revue Vie des arts qui va en fait paraître dans le prochain numéro qui va être lancé le 14 avril prochain. La revue, elle change un peu. Elle change d'apparence, de signature graphique, mais elle inclut aussi de nouvelles rubriques. Qu'est-ce qui vous a animé, en fait, dans cette idée-là d'inclure des nouvelles formules de rubriques ou des nouvelles approches dans les rubriques qui vont paraître dans le prochain numéro? Bonne question. C'est sûr que nous, ça a été motivé par plusieurs raisons. Il faut comprendre qu'une revue papier qui traite d'art visuel, c'est toujours un jeu de dynamique entre le contenant et le contenu. On a une revue papier, on veut valoriser l'objet de la revue papier aussi pour avoir une plus-value de faire l'effort d'obtenir la revue papier pour la tenir entre nos mains. L'expérience de lecture est complètement différente aussi à un contenu qu'on pourrait découvrir en ligne. Donc, c'est sûr que ça, nous, ça a été vraiment... comment est-ce qu'on peut valoriser l'objet papier? En plus, on traite d'art visuel. Les arts visuels, on s'entend, le visuel est merveilleux. On présente des œuvres d'artistes, qui c'est toujours des œuvres qui sont absolument magnifiques, qui nous donnent envie de plonger finalement dans le contenu. Donc, on a commencé à réfléchir à justement ce rapport-là entre contenant et contenu. Et comment est-ce que la forme, finalement, de la revue pourrait mettre en valeur certains enjeux, certaines approches ou certaines modalités de découvrabilité, je pourrais dire, de finalement l'art contemporain. Lien avec ça particulièrement, je pense à la nouvelle rubrique création qui va paraître en fait une fois par année, qui je trouve rebondit bien là, sur cette idée-là d'une plus-value d'un objet. Est-ce que tu veux nous donner un peu plus de détails sur la forme de cette rubrique création? Oui, c'est un peu le petit goodies de l'année. Dans le fond, chaque rubrique de la revue va paraître à chaque numéro. La Vie des arts publie 4 numéros par année, donc vous allez toujours retrouver les portraits. Les dossiers sont très récurrents aussi, les perspectives d'actualité. Et l'exception qui confirme la règle, c'est la rubrique création qui va apparaître durant le numéro d'été seulement, donc le numéro 263, où là, on a vraiment décidé de faire une commande d'œuvre à un artiste, donc un ou une artiste. qui veut se prêter au jeu finalement de comme réfléchir au médium papier de la revue et faire une œuvre spécifique pour les lecteurs selon différents types de formats. Donc là, on pourrait jouer avec le papier, on pourrait voir si on peut pas insérer des œuvres dans la revue, l'intégrer à même les pages, est-ce qu'on l'intègre comme une section pleine, est-ce qu'on lui fait des allers-retours au début, milieu, fin, etc. Mais pour nous, c'est un champ d'expérimentation, puis on veut valoriser la revue finalement comme un médium à part entière, puis donner le libre cours finalement à une collaboration avec un artiste. Donc ça va être pour le numéro d'été, numéro 263. Je peux pas encore dire qui est l'artiste, mais on a des belles choses qui s'en viennent. Puis on peut dire aussi que je pense que la nouvelle approche ou certaines des nouvelles rubriques qui vont être proposées laissent plus de place aussi aux auteurs, je pense, pour travailler l'écriture. Je pense entre autres à la rubrique essai. Oui, tout à fait. L'essai, c'est une rubrique qu'on a vraiment voulu textuelle. Donc, si toute notre approche de la revue, en général, c'est de donner une porte d'entrée à travers les images au lecteur. Donc, si tu tiens la revue entre les mains, tu as vraiment envie de plonger dans les images, d'être curieux, puis après ça, de lire le texte. Mais la rubrique essai, on a décidé d'avoir une approche complètement différente qui était vraiment axée sur un texte qui mettait en valeur la recherche de personnes qui font de la recherche en art contemporain, art actuel. Il faut comprendre que l'art contemporain, c'est aussi un champ de recherche qu'il y a vraiment beaucoup de gens au Québec qui ont une expertise phénoménale sur ça, puis qui développent des savoirs, qui développent des pensées aussi en lien avec l'art. Et l'art est un moteur finalement de réflexion. Donc, on a vraiment voulu avoir cet espace-là de l'essai pour avoir des auteurs qui veulent se servir aussi de cet espace-là pour avoir un objectif de recherche ou un objectif d'écriture. Donc, ça va être des articles un peu plus longs, mais pas trop longs non plus, entre 1000 et 1500 mots, qui vont vraiment être sur une thématique libre à l'auteur pour développer, puis qui va nous amener un peu plus dans un corpus de textes. Puis à cette rubrique-là qui clôt la revue en quelque sorte, la première rubrique qu'on va retrouver dans la revue, c'est les perspectives, les perspectives parce qu'on en retrouve plusieurs qui cohabitent ensemble au tout début de la revue, puis en fait où on peut poser des questions ou réfléchir sur des enjeux un peu sociaux du milieu de l'art aussi, fait qu'on va vraiment toucher à beaucoup d'aspects finalement du milieu des arts visuels à travers la revue finalement. Oui, vraiment. En fait, la rubrique perspective est nommée de cette façon-là parce qu'on veut avoir la perspective de quelqu'un ou la perspective de quelque chose. Donc, on cherche vraiment à avoir des auteurs qui ont envie de plonger dans une opinion, mais pas une opinion qui est comme nécessairement fondée sur une pure subjectivité, plutôt qu'un regard sur qu'est-ce qui se passe dans le milieu des arts visuels, aussi le milieu des arts comme un milieu professionnel, comme un milieu de conditions de travail, les conditions des artistes, la question de l'équité, de la diversité, des enjeux qui sont peut-être finalement un peu plus structurels. On a un partenariat avec la CESAP, qui est l'association des enseignants et enseignantes en arts plastiques, qui font partie de cette rubrique-là et qui offre à chaque fois une perspective du regard de l'enseignant en art, finalement. Donc, c'est dans cette rubrique-là, on va se permettre un peu plus un regard sur l'actualité. Par exemple, on a un survol en ce moment qui est rédigé par ma collègue Marie-Ève Leclerc-Parker, qui fait le survol des centres d'artistes par rapport à la dernière année. Qui s'est ajusté comment? C'est quoi les mesures qui ont été mises en place dans les centres d'artistes pour continuer leur programmation alors que les expositions étaient fermées? Mais la majorité des centres d'artistes sont aussi des lieux de production, donc la production continuait, puis elle offre ici une perspective qui est finalement d'aller voir comment le milieu c'est soutenu. Comment est-ce que le centre d'artistes a agi pour sa communauté? Donc, c'est ça. La perspective, la revue, la rubrique de perspective, finalement, est plus dans... c'est sur un rapport social ou un rapport d'actualité qu'on va un peu moins retrouver dans les autres rubriques, mais ça nous permet d'avoir un petit ancrage aussi qui est juste... On aime à penser qu'on fait partie d'une grande discussion. Oui, tout à fait. Puis qui se nourrit de différentes manières puis de différentes postures aussi dans la réflexion sur l'art ou sur le milieu de l'art. Puis en terminant, Jade Boivin, quelques mots peut-être sur l'approche graphique qu'on voit dans le prochain numéro, je me suis fait la réflexion quand j'ai feuilleté la revue que j'ai eu la chance de feuilleter en primeur, que je trouvais que en fait que les images avaient une présence plus forte ou très forte dans cette nouvelle proposition là. Est-ce que c'est une impression ou une réalité ou est-ce qu'elles sont plus présentes ces images là ou c'est juste leur présence qui a peut-être changé dans les pages? Écoute, je dirais que tu as une bonne intuition. On n'a pas plus de visuels qu'avant, mais on le met mieux en valeur. Une revue, un objet papier, quand on le feuille dans nos mains, c'est une question de rythme, c'est une question de succession de pages, c'est une question de jeu de regard. Où est-ce que notre regard arrive? Puis on se dit que dans un texte, quand on ouvre une revue, puis on voit le texte, les crédits, le titre, les citations, des photos, des images, des œuvres, il y a certainement un ou des éléments qui vont accrocher le regard en premier, puis on appelle ça un peu pour nous des portes d'entrée dans l'article. Donc, on cherche à offrir finalement au lecteur plus d'un type de porte d'entrée dans le contenu. Donc, c'est une mise en page finalement qui est beaucoup plus aérée. Il y a un peu plus de blanc autour des œuvres pour laisser laisser vivre, puis les laisser respirer, puis nous laisser respirer aussi en tant que lecteur quand on manipule ça finalement. Mais je pense que le public va pouvoir, les amateurs d'art vont pouvoir découvrir avec grand intérêt le prochain numéro de Vie des arts. Donc, on rappelle que le lancement de la revue se fait en Facebook Live le 14 avril prochain sur votre page Facebook. Et le numéro va être disponible en kiosque à partir du 16 avril. Et on rappelle aux gens aussi qu'on peut s'abonner à la revue sur votre site web. On peut aussi commander à la pièce certaines revues ou évidemment faire l'achat en boutique. Merci beaucoup, Jade Boivin. Ben, merci beaucoup, Delphine. Au revoir. C'est KRL 89.1. Retrouvez Brunner en diffusion sur CKRL. La vaccination contre la COVID-19 est en cours pour les groupes prioritaires. Allez sur québec.ca/vaccin-COVID pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Au besoin, vous pouvez téléphoner au 1-877-644-4545. Après avoir reçu le vaccin, vous devez continuer de vous protéger en respectant les consignes sanitaires de base. C'est important. Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger. Un message du gouvernement du Québec. CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. Monnaie locale complémentaire Québec. Production Rhizome. Festival de cinéma de la Ville de Québec. Société de la Rivière-Saint-Charles. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. À découvrir sur la fabrique culturelle. Je m'appelle Marianne. Je m'appelle Isabelle. Je m'appelle Marie-Kim. Je m'appelle Ambre. Je suis étudiante en muséologie à l'Université Laval. La collection Lemay à l'Université Laval. Un legs inestimable à mettre en scène. La collection Lemay contient environ 2000 objets. Des jouets d'optique, des lanternes, des caméras, des projecteurs. Puis en ce moment, aux collections de l'Université Laval, on en a environ 300. Donc nous, sur les 300, il fallait qu'on fasse un choix. Il a fallu qu'on en sélectionne environ une cinquantaine. C'est vraiment compliqué parce que, ils sont tous beaux, ils ont tous quelque chose, ils ont tous une histoire. Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. L'histoire du cinéma a commencé avec des jouets, puis qu'aujourd'hui, elle se poursuit avec des jouets. Vous êtes une personne aînée ou prenez soin d'un aîné? Saviez-vous qu'à la QDR Québec, on vous accompagne gratuitement pour compléter différents formulaires gouvernementaux, chercher les crédits d'impôt auxquels vous avez droit, ou encore obtenir des conseils juridiques? Ces services sont offerts au bureau de la QDR Québec ou par téléphone. Informez-vous sur tous les services offerts en téléphonant au 418 524 0437 poste 0 ou visitez le aqdr-québec.org. Cette publicité est rendue possible grâce au financement de l'Appui Capital National. Nous sommes de retour à l'aérospatiale. J'entends la France avec vous et j'ai en entrevue avec moi au bout de l'écran Isabelle Desroches et William Légaré. Bonjour. Salut. Vous effectuez actuellement une résidence à la Chambre Blanche dans le cadre du prix La Chambre Blanche avec des arrobas à la place des A. Donc, c'est un prix qui est décerné à un finissant du bac à chaque année, du bac en arts visuels et médiatiques de l'Université Laval. Mais cette année, vous êtes deux à remporter ce prix-là. On en parlait un peu hors d'onde, donc vous avez choisi de soumettre votre candidature ensemble pour le prix de la Chambre Blanche. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de soumettre votre candidature ensemble? Ouais, ben, je pense que, ben, premièrement, il y a quand même beaucoup de professeurs là, qui, durant le bac, ont fait des liens dans nos pratiques puis ils ont dit qu'on s'en semblait quand même. Puis à la base, on est des amis dans la vie. Fait que c'est sûr que quand on a vu le prix, les deux, je pense que ça nous intéressait d'appliquer, mais c'est qu'on se disait que ça avait l'air, tu sais, c'était 6 semaines, on avait quand même beaucoup de matériel à utiliser, tout ça, fait qu'on trouvait que c'était gros, puis on s'est dit que le fait d'appliquer ensemble, bien, ça nous permettrait d'avoir plus de temps, puis tu sais, d'avoir un feedback l'un avec l'autre, puis d'être capable de faire quelque chose de plus intéressant. Puis, donc, le c'est votre projet qui a été choisi, qui a été sélectionné par la Chambre Blanche pour cette résidence-là de 6 semaines, tu le disais, Isabelle Desroches. Vous êtes partie donc de points d'intérêt communs que vous avez ensemble. Donc, non, celui qui est mentionné principalement dans l'événement, c'est l'intérêt pour la photographie. Mais vous avez aussi travaillé sur un autre intérêt que vous avez en commun, c'est-à-dire la banlieue. Vous venez tous les deux de la banlieue et c'est venu vous inspirer dans votre projet que vous avez soumis à la Chambre Blanche. Pourquoi la banlieue? Ben, c'est quand même, surtout ça à Québec, c'est une réalité qui touche énormément de personnes. Puis, je pense aussi qu'ayant grandi dans la banlieue, ben, nécessairement, il y a des récits qui en émergent, des imaginaires collectifs. Surtout, aussi, ben, il y en a pour les gens plus aînés. Nous, notre tranche d'âge aussi, principalement, marquée aussi ben, par les gens prendre l'autobus, s'inscrit beaucoup là-dedans. Donc, nous, en fait, on était curieux de voir comment est-ce qu'on pouvait créé à partir de cet imaginaire collectif-là que représente la banlieue, surtout à Québec, il y en a pour la peine. Oui, vu qu'on travaille beaucoup en allant à la rencontre des gens, mais c'était comme une matière qui nous permettait d'aller à la rencontre des gens de notre entourage, parce qu'ayant grandi dans ce lieu-là, ben, on est quand même proche de plusieurs personnes qui ont vécu ça. Fait que, c'était un peu d'explorer la thématique de la banlieue en partant du point de vue de plusieurs personnes qui nous entouraient aussi. Donc, vous travaillez à partir de la photographie, mais également à partir de vos rencontres et de témoignages que vous récoltez, c'est ça? Bien, ce qui est plaisant avec 6 semaines, c'est qu'on bénéficie quand même de beaucoup de temps. Donc, nécessairement, pour construire un projet, c'est assez plaisant. On a eu la chance de justement marcher pour la peine en banlieue, interroger des gens sur place, des gens qu'on connaît. Après, ben, justement, prendre la matière photographique. Puis après, ben, revenir justement à la Chambre Blanche, brasser tout ça, voir un peu ce qu'il y en est. Donc, c'est à partir de photographies qu'on a travaillé, mais à partir de, aussi de beaucoup de textes qu'on a trouvés à la bibliothèque. Donc, la recherche a été assez diverse. Oui, bien, en général, dans notre pratique, je dirais que la recherche puis la collecte de données fait beaucoup partie là, du processus. C'est dans le sens que, bon, on a fait des entrevues, on a récolté des photos, comme William disait, on a lu beaucoup de textes. C'est vraiment ce matériel-là qui vient nourrir, dans le sens qu'on ne part pas nécessairement avec une idée de base. C'est vraiment à force d'être à la rencontre des gens puis de récolter des données qu'on est capable de se faire un projet là, puis de suivre nos idées. Donc, vous ne partez pas nécessairement à partir d'une hypothèse, mais vous utilisez les observations, la documentation que vous allez chercher au cours de votre recherche pour élaborer un projet. Et puis là, vous travaillez ensemble à la Chambre blanche. La Chambre blanche, ce n'est pas nécessairement un endroit qui est... il y a un aspect documentaire dans leur mission puisqu'ils ont un centre de documentation, mais ce n'est pas nécessairement un endroit qui est dédié à la photographie. C'est un endroit où on a accès à beaucoup, beaucoup de technologies différentes pour explorer, de technologies de pointe. Quel usage vous faites de ces technologies-là au cours de votre résidence de ces semaines? On a beaucoup utilisé la découpeuse laser. Au début, on avait une idée d'imprimer des photos sur des plexiglas, de les placer dans l'espace, puis d'avec la transparence, avoir un jeu. On l'a essayé, finalement, c'était pas trop ça. Mais juste à partir de cette idée-là, on a vraiment exploré la transparence, on a réutilisé la découpeuse laser, puis c'était vraiment l'idée de voir une image, avoir une autre image, les deux qui se mélangent ensemble. Fait que dans notre projet, qu'est-ce qu'on va présenter au final, il y a de la découpeuse laser, mais c'est pas juste ça. Mais je dirais que ça a eu quand même une grosse influence là, sur notre façon de voir les choses, puis d'appréhender les images pour ce projet-là. Donc, un espèce de jeu de superposition d'images? Oui, c'est ça. Donc, une application un peu sculpturale de différentes photographies à partir desquelles vous travaillez? Pardon? Est-ce que c'est comme une façon de transférer dans un médium sculptural ou installatif les photographies sur lesquelles vous travaillez? Mais je pense qu'une chose sur laquelle on a travaillé tout au long de la recherche, là, on était beaucoup dans la juxtaposition de récits, d'images pour justement venir joindre des images plus actuelles, des images d'archives, puis construire dans une seule image plusieurs éléments qui proviennent d'un peu partout. À ce moment-là, au début de la résidence, on avait commencé à faire des photomontages. Finalement, on s'est rendu compte, comme Isabelle a dit, que les imprimés sur plexiglas, ce n'était pas nécessairement la manière la plus optimale de présenter tout ça. Mais finalement, il s'avère que l'espèce de structure gonflable, c'est un peu un outil d'improvisation pour créer au fur et à mesure des montages photographiques. Comme un peu on avait l'intention de faire, mais que finalement, on est plus dans l'improvisation que à l'aide justement du projecteur à acétate, on peut venir juxtaposer des images, des textes, ces choses-là, mais dans une approche qui est moins figée qu'une photographie, mais qui fait en sorte que la chose évolue. Et vous travaillez à partir du patrimoine de la banlieue, de sa mémoire, de cet imaginaire collectif que vous avez nommé. Vous travaillez à partir de témoignages actuels, présents, mais aussi de recherches que vous faites en archives. Comment est-ce que vous... c'est une histoire qui est quand même récente, l'histoire de la banlieue. La banlieue, c'est un phénomène qui est très, très récent dans l'histoire de la ville, mettons, en général. Comment vous travaillez à venir juxtaposer et superposer justement ces différentes réalités temporelles qu'on rencontre dans vos recherches? Je dirais qu'on passe énormément par la photographie d'archives. Par exemple, dans certains livres, on a eu la chance de trouver des vieilles affiches de justement promoteurs immobiliers au début des développements de Sainte-Foy, par exemple. Donc, c'est sûr que c'est de la ressource qui est quand même assez intéressante. On est allé aussi, la banque d'archives, comment ça s'appelle? Ah, BANQ. Oui, c'est ça, BANQ. On a utilisé les images de ça aussi. Sinon, on a cherché dans nos archives familiales personnelles ou dans les archives familiales de nos amis. Puis on est aussi allé visiter là, des banlieues, puis on a pris des photos actuelles. Puis le fait d'avoir des transparences dans les images, ça permet de créer comme des projections qui font que plusieurs temporalités se mergent en même temps, puis ça fait quand même un résultat qui est intéressant. Puis avec ça, on a rajouté aussi des tests, des textes, des témoignages là, qui parviennent soit de nos amis, soit de livres là, qu'on avait lus sur différentes époques de la banlieue. Fait que ça permet de mélanger tout ça, puis de faire quand même quelque chose qui tient, puis qui nous amène ailleurs. Bien, merci beaucoup, Isabelle Desroches, William Légaré, pour cette entrevue. On se rejoint donc le 21 avril pour une rencontre sur Zoom pour en découvrir plus sur le résultat de votre résidence de 6 semaines à la Chambre Blanche. Belle fin de journée. Merci. Bonne journée. Bye. Vous êtes toujours à l'écoute de l'Aérospatiale, magazine radio sur les arts visuels à Québec. Donc, juste avant la piste audio qu'on écoutait, vous avez entendu Jean-Tiane Lafrance s'entretenir avec Isabelle Desroches et William Légaré au sujet de leur résidence qui a lieu dans les laboratoires de la Chambre Blanche, qui commençait le 2 mars dernier et qui se termine le 10 avril prochain. Donc, ils sont dans le dernier sprint de cette résidence-là. C'est dans le cadre aussi du prix La Chambre Blanche qu'ils ont gagné en tant que collectif l'année dernière. La piste audio qu'on écoutait, c'était la pièce Rooftop, toujours de l'EP Decomposition de l'artiste de Québec Stay in School. Et c'est habituellement le moment de l'émission où on vous propose notre agenda de la semaine. Malheureusement, cette semaine, le reconfinement, la zone noire a pris un peu tout le monde de court et les seuls événements qui se déroulait, qui était sur notre radar, se déroulait en présentiel et tout le monde est un peu en suspens. On attend des nouvelles le 12, le 13 avril prochain pour savoir si on déconfine, si on reste confiné. Donc, dès la semaine prochaine, il y aura des activités en virtuel. On en a déjà dans notre panier, mais pour cette semaine, découvrez des revues. Tiens, c'est une bonne idée. Découvrez Vie des arts, découvrez-en d'autres. Ça peut être un bon moyen de rester en contact avec, avec les arts visuels malgré le confinement. Donc, c'est ainsi que se termine cette émission de l'aérospatiale. Comme à chaque semaine, vous pouvez rattraper l'émission en balado-diffusion sur notre page web, l'aérospatiale.crl.wordpress.com. C'est aussi le meilleur moyen de savoir ce qui se passe dans l'actualité des arts visuels quand il se passe quelque chose. Et vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et sur Instagram. Merci beaucoup, Myriam, pour cette belle émission. Un grand merci à nos invités Isabelle Desroches et William Légaré, ainsi qu'à notre chroniqueuse cette semaine, Delphine Guesbar, et son invité Jade Boivin. Un salut spécial à notre choro de la mise en onde de cette semaine, Jacques Gignac, qu'on a bien hâte de retrouver en studio. Et on se laisse pour une dernière piste du EP Décomposition de Stay in School. Et on se dit à la semaine prochaine! À la semaine prochaine. We'll be right back. Une place où mettre un pied à terre, c'est la seule chose qu'on veut après un matin de mal de mer. Dur d'avancer quand aujourd'hui ça marche au radar. Destination inconnue, nos pensées voguent dans le brouillard. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Pas déjeuner dans les 5 à 7. Juste besoin des ingrédients, je connais déjà la recette. Amen, l'excès de Floride. Tous croient qu'aujourd'hui on s'est loin de l'aurore, mais on était sans savoir à quel point on avait tort. Beach bums on a concrete shore, parti sur une nouvelle vague à surfer. Marin d'eau trouble, incapable de rester à qui. Oh, oh, oh, oh, oh, oh.